Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et on va commencer avec un peu de rêve, la jeunesse éternelle. Non, plus sérieusement, François va nous rapporter une étude de génétique portant sur la longévité. Donc, en diminuant l'expression d'un seul gène, c'est ça qui est quand même assez stupéfiant, des chercheurs ont réussi à augmenter l'espérance de vie de souris. Oui, alors quel est le gène de la longévité? Il n'y a pas que les gens qui se posent cette question, elle passionne aussi les scientifiques depuis des siècles. Alors, les médecins affirment qu'avoir de bonnes habitudes de vie, comme bien manger, bien dormir, faire régulièrement de l'activité physique et ne pas fumer, contribue grandement à prolonger la vie. Mais d'autres scientifiques croient que le patrimoine génétique serait également déterminant. Donc, au fil des ans, des chercheurs sont allés à la rencontre de gènes impliqués dans le processus du vieillissement. Or, l'un d'entre eux, je parle d'un gène, a particulièrement attiré l'attention parce que son rôle était déjà connu dans le métabolisme de l'équilibre énergétique, mais aussi parce qu'on le croit lié à l'augmentation de la longévité associée à la restriction calorique. Mais plus précisément, en fait, il s'agit de quel gène? Alors, selon une étude parue le 29 août dernier dans la revue Cell Reports, des chercheurs du National Institute of Health des États-Unis, le NIH, ou le NIH en français, ont réussi à prolonger la longévité d'un groupe de souris d'environ 20%. C'est vraiment pas négligeable. Tout simplement en réduisant l'expression d'un seul gène, le gène qu'on appelle le mTOR. Alors, ce gène code pour une protéine appelée la protéine mTOR, elle aussi. Mm-hmm. Or, fait, cette protéine? Oui, alors cette protéine participe à de nombreuses fonctions essentielles des cellules et elle intervient dans la croissance et la longévité des cellules. Alors, en diminuant l'activité de cette protéine, les chercheurs peuvent augmenter la longévité de certains organismes. Et alors, comment les scientifiques ont procédé, une fois qu'ils ont identifié ce gène-là, comment ils ont procédé pour prolonger la vie des souris? Alors, ils ont génétiquement modifié les souris de façon à ce qu'elles ne produisent que environ 25% de la quantité normale de la protéine mTOR, mm-hmm. c'est-à-dire la quantité minimale dont elles ont besoin pour survivre, parce que c'est une protéine essentielle à la vie, là. Et ils ont simplement observé leur longévité. Alors, les souris modifiées génétiquement étaient un petit peu plus petites que les autres, mais en fait, en tout autre point identique aux autres. Et alors donc, concernant la longévité, parce que c'est ça qui nous titille un petit peu, qu'est-ce qu'ils ont observé? Alors, la longévité médiane est de 28 mois chez les souris mâles et de 31,5 mois chez les souris femelles, alors qu'elle est de 23 et de 26,5 mois chez les souris non génétiquement modifiées. Donc, les chercheurs ont observé une augmentation d'environ 20% de la longévité. Donc, en fait, ils sont passés, la souris non génétiquement modifiée, elle a une longueur de vie de 23 mois, puis le génétiquement modifié, il s'est passé à 28. Donc, c'est 5 mois de plus. Pour les femelles, effectivement. Ouais. C'est-à-dire, pour les femelles, et de 26,5 à 31,5 pour les femelles, c'est-à-dire, c'est ça, exactement. Ouais. Et à côté de ça, est-ce que les chercheurs ont observé des effets négatifs chez ces souris? En fait, les chercheurs ont observé que les souris génétiquement modifiées vieillissent mieux de façon générale avec des améliorations significatives dans certains organes spécifiques. Elles dépassent les souris normales dans les tests de mémoire spatiale, dans les labyrinthes, et ont une plus grande force musculaire, suggérant en fait une mémoire et une coordination supérieure à celle des souris normales. En outre, en vieillissant, elles ont davantage de force musculaire et une meilleure position que les souris normales. Par contre, l'étude détaillée de ces souris révèle que ce ne sont pas tous leurs tissus et leurs organes qui bénéficient d'une prolongation de leur longévité. Mm-hmm. En fait, pas généralisé, ouais. Non, c'est ça. En fait, c'est un peu comme une auto là, qui vieillit. Il y a des parties qui tombent en panne alors que d'autres restent en bonne forme. Alors, en fait, leurs os se détériorent plus rapidement et elles sont plus susceptibles de développer des infections et des cataractes, dis-je, que les souris normales, ce qui suggère une détérioration de leurs fonctions immunitaires. Donc, tout n'est pas gagné quand même. Et puis, mais quand même, ce qu'on veut savoir aussi, au bout du compte, est-ce que ces recherches pourraient aboutir à des traitements pour des maladies reliées au vieillissement chez l'humain, par exemple? Selon Torin Finkel, chercheur en chef au National Heart, Lung and Blood Institute du NIH, l'étude démontre que le vieillissement n'est pas un phénomène uniforme. Alors, dans un animal, il y aurait de nombreuses horloges biologiques propres à chaque organe qui fonctionneraient assez bien dans l'ensemble pour gouverner le vieillissement de tout l'organisme. Mm-hmm. Toutefois, selon lui, à long terme, les résultats de ces expériences pourraient contribuer au développement des thérapies pour traiter des maladies reliées au vieillissement, en fait, qui ciblent certains organes, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, effectivement. Alors, cependant, d'autres études portant sur les cellules de souris et les cellules humaines sont nécessaires pour déterminer avec précision comment le processus de vieillissement entre les différents tissus et organes est relié à l'échelle moléculaire. Mm-hmm. Donc, même si le patrimoine génétique semble déterminant dans le processus du vieillissement, l'élixir de jouvence dont tout le monde rêve n'est pas pour demain. Non, effectivement. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est pas pour demain. Puis, ben, pour l'instant, vaut mieux bien manger, bien dormir, faire de l'exercice régulièrement. Peut-être que ce sera plus, ça portera peut-être plus fruit sur notre espérance de vie, peut-être. Effectivement, pour l'instant, du ouais, moins. Ben, merci François. Puis on va faire maintenant une petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, mettez vos bottes, on vous emmène patauger dans les tourbières.